chante l'amour. Y'a qui m'a la qui en bouche à yo. Chérie, je t'aime de deux moyens, mais ok, à moi c'est ta ou nous ensemble. Madame Lassa.